January 25th, 2019, 19 hours, 5 minutes, 36 seconds. Et qu'est-ce qu'on a dans Montréal? Nord-Montréal, trafic, est-ce qu'on... On est arrêté dans la glace, à côté proche du quai, à part le fret, en attendant que notre section devienne trop libre. Eh bien reçu, merci. January 25th, 2019, 19 hours, 7 minutes, 46 seconds. Trafic, est-ce qu'on a... Blackie, trafic est-ce comment? Oui, on est arrêté dans la glace de Gosselin comme le mort Montréal, on va attendre notre tour pour attaquer. C'est bien reçu, c'est pas clair avec l'information que j'ai reçue. Si vous preniez le pied, là, je pense qu'ils vont sortir le CS Calvina. Est-ce qu'ils vous rentrent tous les deux et puis qu'ils rentrent le Calvina après? J'ai cru entendre ça, mais on n'était pas convaincus ici à vous. Oui, ils sont censés sortir les deux, ils vont enlever la glace, rentrer le Montréal, le Casino 1 et 2, puis ça va être au 4 après tout le monde. Au 4 après. Bon, c'est bien. Merci. À plus tard lorsqu'on mettra en mouvement. Plus tard, merci. January 25th, 2019, 19 hours, 44 minutes. 28 seconds. Opale, Louis. Non, on croyait probablement vous amener là jusqu'à la limite de la glace là au coin de l'île Saint-Louis. Bon, ben c'est parfait. Fait que nous autres, là, on attend les vraiment rares, là. Ça devrait pas être très long. Je pense à prévu à 20h. Et puis, si vous pouvez venir commencer à casser ça, là... Je ne pense pas que vous allez vous aventurer entre les deux navires, là, mais le plus que vous allez être capable de faire. Hein. Oui, ben c'est ça. Là, on nettoie là, le côté extérieur du quai en premier pour être capable de bouger là, vous et le CV là, pour l'autre navire à côté de vous. Quand on va vous sortir, vous en premier, ben, les amarreurs. Ensuite, là, on va rentrer le Black Key et puis le... Le Black Key et le Nord-Montréal, et ensuite, là, une fois qu'eux ont plus besoin de nous, nous, on va pouvoir quitter avec vous, là, en direction, là, de Île-Saint-Louis. Bon, ben, c'est parfait. Là, vous travaillez pour faire un canal pour les remorqueurs, j'imagine? Ben, c'est ça, oui, pour les remorqueurs, pour qu'eux puissent sortir, puis en même temps, pour déplacer, là, le CV, là, à côté. Que le Black Key et le Nord-Montréal vont prendre les deux places où vous êtes en ce moment, là. Donc l'autre navire aussi doit se déplacer, puis il va aller sur l'autre côté du Duncan, du Powell. OK, on n'avait pas compris ça. On pensait qu'il allait au P4, là, finalement, à l'endroit où que l'autre navire est présentement. Je pensais pas qu'il s'en allait à l'endroit où vous êtes. Non, le Black Key s'en va au P4, là. Je crois que c'est le CV Calvina qui doit s'en aller là à P1 ou à P2. Non, le Calvina devrait prendre notre place à nous. Je crois qu'on va être parti. Le Black Key va rentrer en avant au 1, là. Et puis, quand on va être parti, le Calvina va prendre notre place à nous. Et ensuite de ça, l'autre va aller au P4. Ah, c'est ça, le Nord-Montréal s'en va à D1, fait que le Calvilla va prendre D2, puis le Black Key s'en va à P4. OK, c'est ça. OK, c'est parfait, fait que plutôt que vous pouvez là, venir, on vous attend, puis en même temps que les remorqueurs, puis on va procéder. Merci. On reste sur le 6, nous. OK, parfait. Nous, on va être sur le 9 et puis sur le 10. On est sur le 10 avec le Black Key et le Nord-Montréal. Vous dites le 1-0 ou le 6? Non, 1-0. 1-0 pour nous en communication avec le Black Key et le Nord-Montréal. Ah ben, je vais mettre sur le 10, moi aussi, 1-0. Parfait, bien compris. January 25th, 2019, 19 hours, 59 minutes, 36 seconds. Ça fait qu'est-ce qu'on met le Golden Opal à Port-Alfred. Golden Opal, trafic Esquimain, bonsoir. Bonsoir, on s'apprête à partir du Duncan 2, destination 7-Îles, dans une vingtaine d'heures. Sont en ballast. Et puis, le tirage au départ, là, pour l'instant, on n'est pas encore calculé. On essaie de... On va avoir l'information un peu plus tard. Là. On va tourner, on vous rappellera. Pas de problème, on va prendre ça tout à l'heure. Alors, je pense que vous êtes au courant, là, il y a deux navires au large qui attendent, Blackie, Nord-Montréal, le Louis Saint-Laurent travaille avec vous. Alors, on va attendre votre appel en route en début d'escorte, à plus tard. Roger, merci beaucoup. January 25th, 2019, 20 hours, 0 minutes, 39 seconds. Trafic Escoumin, bonsoir. Trafic Escoumin, le Pierre Saguenay, bonsoir. Les deux en cœur, on est excité pour rester sur ces vlogs, on sait aussi. Bien reçu, autorisé à procéder. On va attendre votre appel une fois terminé avec les navires. À plus tard. Trafic Escoumin, Pierre Saguenay, bien reçu. January 25th, 2019, 21 hours, 39 minutes, 51 seconds. C'est qu'est-ce qu'on met, le CF Calvina? CF Calvina, trafic qu'est-ce qu'on met? Ouais, bonsoir monsieur, on va se préparer à quitter le Powell 4 à Port-Alfred pour ensuite revenir au Duncan 2. Là. On va circuler pour faire de la place au navire, le Nord-Montréal qui va rentrer au 1. Quand lui sera rentré, ensuite on va aller aux deux. C'est bien reçu, autorisé à procéder. Je pense que vous connaissez les mouvements là, qu'il y a dans le secteur. Alors, une fois terminé, revenez à quai, on va attendre votre appel. À plus tard. Oui, c'est bien reçu, merci. Là, pour information, c'est rando 8.1, puis on me dit que tout est en bon état. 8.1, c'est bien, à plus tard. January 25th, 2019, 22 hours, 20 minutes, 48 seconds. Trafic Escoumin, Nord-Montréal. Nord-Montréal, trafic Escoumin. Bon, on va s'en mettre en marche, destination Duncan. Bien reçu, maintenant on va être une fois attaché. Oui. January 26th, 2019, 2 hours, 5 minutes, 5 seconds. Qu'est-ce qu'on a le Pierre Saguenay? January 26th, 2019, 2 hours, 5 minutes, 16 seconds. Pierre Saguenay, trafic, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, Pierre Saguenay, on est de retour à quai, c'est terminé pour nous ce soir. Alors, juste d'aller rentrer les autres navires juste demain. January 26th, 2019, 2 hours, 5 minutes, 34 seconds. Comment ça va sonner? Voulez-vous revenir, s'il vous plaît? Oui, les autres navires vont rentrer juste demain. Ah, les décisions vont se prendre tantôt, là, ça va être un petit peu plus tard. OK, parfait. Merci. À plus tard. Merci, plus tard. January 26th, 2019, 2 hours, 8 minutes, 53 seconds. Pilotage, bonjour. Bonjour, c'est Escoumin. Oui. Est-ce que ton pilote du Nord-Montréal s'est rapporté à Port-Alfred? Non, pas encore. Pas encore. OK. Apparemment, il y a un homme qui vient d'arriver, tout juste d'arriver, un incident avec un remorqueur à quai. Et j'ai deux navires qui vont rester en stand-by apparemment au moins jusqu'à midi. Ben, c'est ça, moi, les thugs, ils viennent de rentrer, là, puis j'ai demandé, j'ai dit, comme ça, vous ne ferez pas les autres bateaux? Il dit, la décision va se prendre bientôt, là. Il dit, peut-être plus tard. Ah, bon, OK. Il n'a rien dit. C'est quoi l'incident? T'as j'ai une idée? Idée? Non? L'agent, il ne voulait pas me dire, mais il dit que c'est un incident. Non. Alors, j'ai deux navires qui vont rester en stand-by jusqu'à midi. Il s'agit de CS Calbina. Oui, puis le Blackie. Et le Blackie, oui. C'est bon. Ça. OK. Bon, ben, écoute donc. OK. C'est au moins jusqu'à midi qu'ils t'ont dit. C'est ça. OK. Ben, merci. OK. D'accord, bon. Bye-bye. January 26th, 2019, 2 hours, 44 minutes, 2 seconds. La figure 20, le Nord-Montréal. Nord-Montréal, trafic S-Coin. Oui, on est attaché au Duncanair, prochain départ dans 5 jours pour destination inconnue. C'est bien, on va attendre l'appel du navire 15 minutes avant le départ, merci. Bonne fin de nuit. Merci, bonne nuit. January 26th, 2019, 2 hours, 51 minutes. 49 seconds. Comment ça va éternité? Fière éternité, t'as fait qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a terminé avec le Nord-Montréal, le remorqueur est attaché au bassin. Merci, bonne fin de nuit. Merci, bonne fin de nuit. January 26th, 2019, 2 hours, 52 minutes. 19 seconds. Est-ce que c'est ouvert, le Charles Saguenay? Charles Saguenay, trafic Escoumain? Trafic Escoumain, Charles Saguenay, oui, bonsoir. C'est pour vous aviser qu'on est rentré tout à l'heure parce qu'on avait un bris mécanique sur le côté d'abord propulsion. Et peut-être qu'on aurait perdu 140 litres d'huile et de les canaux. Roger, as-tu connu ça au moment d'entrée, à vous? On n'était pas sûr, mais on a vérifié quand on est arrivé ici. Roger, et puis c'est arrivé pour me donner l'heure à peu près, et puis précision à peu près au quai, là, à quel endroit? C'est arrivé au quai Duncan numéro 1. C'est arrivé à 22h50. On a, quand c'est survenu, on a eu des vibrations, mais après ça, on a fait des vérifications, on a fait des tests. Tout semblait normal. Jusqu'au temps, on a repris des manœuvres, et finalement, on a eu une alarme de bas niveau d'huile sur un propulseur. Et c'est là, qu'on a arrêté. OK. Ouais, ma question était plutôt, bon, vous êtes au Duncan 1, là, en tout cas, c'est... qui est un peu long, j'imagine que vous avez bougé, c'est juste pour avoir, ils vont me demander l'étendue là, à peu près du secteur où ça s'est produit. Pouvez-vous estimer ça? Ah, c'est complètement là, à l'avant là, du quai de Duncan numéro 1, complètement là, sur le côté ouest. January 26th. 2019, 2 hours, 54 minutes, 8 seconds. OK, complètement à l'avant, ça veut dire en avant, vous étiez celui qui s'occupait du devant du Nord-Montréal. C'est bien ça? Absolument, OK, complètement dans le fond, autrement dit. Là. Bon, ben, c'est bien. Je sais pas ce qu'il y en est de vous pour l'instant. Est-ce que vous êtes toujours en devoir un bout? Si jamais il y a d'autres questions, y a-t-il un numéro pour vous joindre? Je peux vous donner mon numéro de cellulaire. Allez-y. OK, c'est... Roger, et votre nom? C'est bien. On va faire rapport comme à l'habitude, et puis s'il y a des questions, peut-être que... Je ne sais pas si ça va aller rien qu'au matin ou pas, là, mais en tout cas, on va donner les coordonnées impossible que quelqu'un vous contacte s'il manque quelque chose. Peut-être qu'on essaiera de notre côté sur le 9 aussi. Est-ce que vous quittez le remorqueur en me laissant à vous? Oui, trafic sur l'internationale, oui, on va quitter le remorqueur là, dans les prochaines minutes. OK. Bon, ben, ce sera par cellulaire, j'imagine. Bon, ben, c'est bien. Et puis, je sais pas, y a-t-il quelqu'un responsable à qui, quelque chose qui, quelqu'un sur place qui pourrait donner des informations aux besoins également? Ça fait que souvent, puis en Saguenay, quelqu'un comme quoi, un superviseur de qui? Oui, quelque chose comme ça, là, si jamais ils ont des questions un petit peu plus précises sur ce qui est vu ou aperçu, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a jeté un coup d'œil après que vous êtes parti voir s'il y avait de quoi d'observable? Non, il n'y avait rien de vérifiable. Là, la glace ici, il y a beaucoup de glace, mais qu'on ne voit pas d'eau. Fait. OK, puis rien d'apparent sur les glaces? Non, négatif. Absolument rien d'apparent. OK. Bon, ben, on va rapporter ça comme ça. On verra pour la suite. Merci. C'est resté à l'intérieur non plus, là. Mais on met ça au pire, là. Peux-vous revenir avec la dernière transmission? Oui, ça fait quelques moments que c'est enfermé. Oui, c'est... on estime que la quantité de 140 litres d'huile est allée à l'eau, mais on n'est pas sûr. Peut-être que non plus, là. C'est peut-être resté à l'intérieur. Mais là, ça va être des questions plus poussées, là. Quand vous dites à l'intérieur du remorqueur, je sais pas, dans les bilges ou quelque chose comme ça? Oui, dans les bilges ou dans le compartiment du zip-drive, là. Du zip-drive, OK. Bon, ben c'est bien. Merci de l'information. Merci, bonne nuit. Salut. January 26, 2019, 3:25:47. Garde côté, Côte-Garde, bonjour, Gudec. Ouais, bonjour, c'était Rosé Chemin. Salut. Je viens juste t'envoyer un beau message, il y avait un risque de pollution pour Alfred. Ah non. Sur le fjord Saguenay. Il est rentré à quai tantôt sans rien me dire, puis il m'a appelé pour tout à fait une heure après pour me dire que c'est pas impossible qu'il y ait de la pollution, mais ils peuvent pas le savoir. À partir de son bateau? Oui, il y a eu un bris sur le Z-Drive, puis ils ont fait des tests sur le tableau, il a continué manœuvre. À un moment donné, il y a eu une alarme de bas niveau d'huile, fait que là, il est rentré à quai. Là, le temps qu'il check ça, il estime que si jamais c'est tout allé à l'eau, c'est 140 litres d'huile hydraulique, mais je peux pas le confirmer. Il faudrait qu'il fasse des tests, des vérifications plus poussées. J'ai pas ses intentions pour l'instant. Mais ça pourrait être dans bilge ou dans le compartiment du Z-Drive. Là. Fait que ça veut pas dire que c'est à l'eau. Ils peuvent pas le savoir, puis ils observent rien dehors. Là. Ben, il fait noir. Mais il fait noir. Ben, je veux dire, là-bas, il y a beaucoup de lumière. Là. Ouais. T'es capable de voir sur la glace s'il y avait de quoi d'apparent. D'après moi, il l'aurait vu. Ben, il était en train de partir, puis finalement, il est retourné. Ben, tu vas voir dans mon message, là, il est sorti à 20h, puis il rentrait à 2h du matin. Là. Fait qu'il travaillait en masse. Là. Puis là, il est rentré à quai sans rien me dire. Puis une heure après, il me rappelle pour me conter son histoire. OK. Fait que c'est ça, là. Je t'ai tout écrit ça dans le courriel, là. Si je me te dis. OK. En tout cas, s'il te manque de quoi, écoute, tantôt, ça fait pas tellement longtemps, ça fait peut-être une demi-heure, là. OK. Puis là, ben lui, il quittait le bateau dans pas tellement long, là. Fait qu'il doit être encore rejoignable sur son sel s'il manque quelque chose. Tu parles du bonhomme, là? Oui. OK. Monsieur Racine, là. Fait que j'ai dit qu'au pire, c'est que j'ai demandé son cellulaire, au pire, s'il manque de quoi, êtes-vous rejoignable? Fait que là, il m'a dit, ben, je vais vous donner mon cellulaire. OK, ouais, je le vois. Là. Fait que... OK. Ça ressemble à ça. C'est bon. OK. Merci. Salut. Bye.